Oui, bonjour, Mine Maton. Je suis venue il y a déjà quelques mois parler du même sujet. En fait, je me base sur un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Et puis en amont, je voulais juste vous dire que faut pas trop me prendre au sérieux non plus. J'ai dit l'art pour changer le monde, l'anatomie de ce moment. Je dois mettre le micro là. Voilà. Voilà, le bouquin sur lequel je me suis basée, il est là, vous le voyez, il s'appelle Migration and Climate Change, c'est UNESCO. Et en fait, je dois vous dire tout de suite que je n'ai pas tout lu, mais je me doutais qu'il y a un lien, donc une relation entre la migration et l'eau, donc de façon très générale. Le monde change car le temps change et le temps passe. L'eau va nous manquer. Pas ici, surtout là-bas. Le bouquin de l'UNESCO, Migration et changement de climat, édité par Étienne Piguet-Pecaud et Paul de Kustener, nous indique que la migration et l'eau sur Terre sont liées. Construire, dessiner, désigner, écrire, dialoguer et schématiser permettent de voir ensemble où on va. À la frontière, un homme nous indique le chemin pour retourner avec notre camion à Paris et dit, quand on ne sait pas, on ne va pas. Il avait raison. C'est véridique, hein? Nous savons que nous avons besoin de connaître notre chemin, nos limites en consommation d'eau. Consommer, recycler, c'est humain. C'est éphémère aussi. Notre image se reflète sur le sol, surtout aujourd'hui, hein, grâce à la pluie. Cela se nomme ombre. Sortir de l'ombre, tracer, jouer, projeter, ce sont des verbes. La grammaire de ce moment ici, maintenant, est simple. L'eau se trouve ici, la lumière, et donc aussi l'ombre portée ou projetée. Donc aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien, mais la dernière fois, on voyait très clairement les ombres portées des statues, des gens, et on a tracé ça. Hein, donc aujourd'hui, ça va se passer un tout petit peu différemment, je pense. Alors, donc, cela nous permet de tracer des pistes pour les partager pendant quelques minutes. Accepter de se poser, prendre une pause et de se marrer. Le Barnum. Le Barnum, le socle, le piédestal, la représentation, le spectacle. Je vous raconterai ce que j'ai dessiné quand un lampadaire s'est plié il y a presque 2 ans là-bas. Quand j'étais en train de dessiner, j'ai jamais les dessins. Bref, l'enveloppe pour un artiste, c'est ce Barnum, cette tempe sensible, ce refuge, cette place avec ce beau nom. Voilà, donc là j'ai un peu le choix. Soit on va peindre, soit je continue, parce que moi j'ai continué aussi pendant toute une année. En fait, ce matin, j'ai travaillé avec les migrants à la porte de la Chapelle, ça se passe très bien. Et puis, en rentrant à midi, moi, j'ai écrit un petit texte pour sensibiliser sur ce qui se passe avec les migrants dans un cadre très général, très grand, global, hein, mondial, et toujours en pensant sur l'eau. Est-ce qu'on va manquer d'eau? Où tombe de l'eau? Vraiment dans tout du mot, mais avec un peu de poésie, j'espère aussi. Donc, mon postulat, c'est peut-être de dire que le milieu, moi je suis d'origine néerlandaise, donc le milieu, en fait, c'est l'environnement. Hein, donc, milieu, ben là, le milieu de la place. Ce qui a évolué depuis ma dernière intervention est que je connais plus de migrants et plus de bénévoles travaillant avec les migrants. Donc, depuis novembre, hein, on s'est vu en novembre. Grâce aux échanges Erasmus+, grâce au racisme, grâce à EduCPOP et Utopia 56. Applaudissez. Grâce aux éditions de papier sur ce sujet aussi. Ce sujet eau reste l'axe de mon travail, mais je ne fais pas. Les liens se tissent grâce à la migration. Migration de toutes sortes. Retour aux sources, retour aux choses essentielles. Je fais ici un appel pour agir, pour parler des associations grâce auxquelles nous pouvons construire. Pia 56 cherche des bénévoles. Moi, je cherche à communiquer et partager un bon moment. Alors je rends le micro parce que je ne sais pas si on va peindre réellement dehors. J'ai amené les pinceaux, voilà, on peut essayer mais c'est un peu ridicule. Hein, donc je te rends le micro et puis on peut peut-être discuter de ce sujet, de ce lien qui à mon avis est essentiel et bah oui, malheureusement, ça ne politique, ça va au-delà de nos frontières, hein, dans tous les sens du terme. Mais il est certain que la politique va au-delà de nos frontières. Voilà. Oui, je pense pas qu'on va pouvoir peindre avec de l'eau aujourd'hui, parce que de toute façon, on va avoir du mal à voir la différence. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est par rapport à ce qu'elle a dit sur les questions d'eau et de migration, si vous avez... des remarques, des témoignages, des questions à poser, n'hésitez pas. Là, on est sur la partie débat, donc je peux faire passer le micro. Vous me faites ainsi. Je vous donne la parole. Moi, j'avais peut-être déjà une question pour lancer un peu le truc. Parce que tu parles donc du rapport entre eau et migration. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer comment ça t'est venu et de quelle façon tu le mets en place justement? En fait. Je suis des Pays-Bas, donc je connais le sujet de l'eau. Et puis, bon, quand on est artiste un peu engagé, je pense que c'est un sujet qui... on pense tous à ce sujet, sauf qui précisément. Et le hasard a voulu que quand on a commencé à écrire des cours pour les migrants, donc ce sont des cours tout simples, hein, de français langue d'intégration, par la dynamique artistique, je suis tombée sur ce bouquin de Lune bien fait. Ensuite, je vous ai rencontré parce que je suis venue dessiner La Nuit Debout du début, parce que c'est un beau mouvement, sur une belle place, plein de symboles. Voilà, donc le lien entre l'eau manquée réellement, mais je ne sais pas si vous réalisez, hein, c'est vraiment grave. Et bien aujourd'hui, la semaine dernière, les Soudanais avec qui j'ai parlé, me raconte comment c'est dans les villages quand il n'y a plus d'eau utilisée pour des bêtises, comme on dit. Je pense que ce mot est bien choisi. Les bêtises. Alors, après, oui, il suffit de lire un petit peu, je sais pas, Courrier International, d'ouvrir un peu ses yeux. Je travaille un tout petit peu avec des gens d'attaque aussi, il me semble. Là où il manque l'eau, donc les ressources de l'eau, ben, les gens partent tout simplement. Donc c'est, je ne peux pas plus développer que ça. Je pense que c'est vos réactions qui vont faire qu'on peut développer. Ok, est-ce qu'il y a des réactions du coup? Ouais. Ouais. Ouais. Je suis désolé parce que je n'ai pas écouté tout le début, donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez dit et qui vont répondre à ce que je vais demander. Mais là, vous dites, quand il n'y a pas d'eau, les gens partent. Il y a aussi d'autres exemples où l'eau est polluée. Et donc les gens partent pas, les gens consomment l'eau et tombent malades. Et c'est pas cyclé, et ça met pas mal de temps en fait avant que les gens partent vraiment. Et je pense que le résultat c'est plutôt que de la mort de soif. Donc c'est plus subtil en fait. Oui. Je sais pas si c'est vous êtes vraiment sur les questions d'eau, d'accès à l'eau ou d'accès à une eau potable. C'est ça ma question. Parce que je sais qu'à Paris, il y a toutes sortes d'eau. Hein. Les eaux des fontaines, c'est pas la même eau qu'on boit. Donc c'est plutôt bien foutu à Paris. Voilà. Dans les Alpes, à côté de Gap, les glaciers, il y en a plus. Ça a tout fondu. Et les nappes phréatiques, comment ça aille? Pourquoi? Parce que les canons à neige ont besoin d'eau. Et en fait, les paysans qui font des pâturages, donc il s'agit surtout de moutons et de chèvres, à vérifier hein, tout ça, mais je pense, sans certaines parties des Alpes, l'eau est polluée, ça semble dingue. Ensuite, un deuxième exemple, bon, j'étais à Dubaï, donc c'est sans commentaire, pour des Néerlandais, c'est un peu presque honteux hein, ce qui se passe. Mais bon, à part ça, c'est intéressant aussi d'être... Moi, je suis observateur, hein. Voilà. Ensuite, au Bangladesh, il y a trop d'eau. Et ensuite, il paraît qu'on construit un mur entre l'Inde et le Bangladesh. Donc, bon, là, c'est notre... Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui. Mais l'engagement pour un artiste est aussi de trouver la poésie dans ce sujet. parce que c'est grâce à des actions qui se veulent beaux, c'est prétentieux de dire ça, qu'on sensibilise le public. Donc c'est, ben voilà, hein, donc allez, par rapport aux cinq sens ou six sens, hein, voilà. Donc c'est plus d'un travail à partir de l'eau. Après, oui, on peut parler de l'aquarelle, c'est beau, l'aquarelle c'est transparent, mais bon, c'est pas ce que je viens de dire ici. Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir à ce qui a été dit, apporter de nouvelles choses, des questions, des remarques? N'hésitez pas sur le sujet de l'eau qui nous concerne vraiment tous et toutes. Je voulais juste attirer l'attention sur la région de Palestine, Syrie et compagnie, où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et disons, dans les motifs de guerre entre toutes les régions et même dans le même pays, il y a le manque d'eau. Il y a des barrages qui ont été faits, mais qui, s'il n'y a pas de barrage, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est l'endroit du monde où c'est le plus chaud, sans jeu de mots, justement parce qu'il y a une guerre de l'eau qui est déjà en train depuis pas mal d'années. Et surtout en Palestine, parce qu'évidemment, ils gardent toute la bonne eau pour eux. Et bon, ce qui reste, après, les Palestiniens, ils se démerdent. Hein. Et c'est une des hontes de ce qui se passe en Palestine, mais on réagit. Je veux dire, après, s'il y a des problèmes entre Arabes et Israéliens, bon, des histoires politiques, etc., on peut toujours discuter, ne pas être d'accord, mais au moins sur l'accès à l'eau potable et à l'eau à volonté, c'est un minimum, disons tout, on devrait se mettre d'accord sur ce fait-là. Et même en France aussi, le problème à Siévins, par exemple, où c'était les cultivateurs de maïs qui avaient besoin d'irriguer et qui ont voulu détruire un milieu unique de zone humide. Voilà. Et là, avant d'avoir aucune autorisation, les autorités ont fait détruire toute la zone. Et après, on a commencé à discuter pour savoir s'il fallait faire le barrage. Et puis finalement, dernière nouvelle, le barrage ne se fait plus. Mais quand même, quelqu'un est mort pour le défendre. Pour défendre la zone. Et ça veut dire que chez nous aussi, il y a un problème d'eau. Et on n'en prend pas suffisamment. Et bon, il y a des... Comment dire, enfin, c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'apparence comme bon, aujourd'hui il pleut, on va dire bon, il y a de l'eau, mais cette petite pluie là, c'est rien du tout. C'est pas ça qui va nourrir les nappes phréatiques. Quoi. Et un petit exemple personnel, c'est que moi j'ai commencé à travailler l'agriculture à Montpellier, enfin au nord de Montpellier, où c'est une zone, enfin c'était une zone aride, hein, où vraiment la garrigue, il y avait très peu d'eau, et bon, oui. Et j'ai été obligé de partir parce qu'il a, il y a 40 ans à peu près, plus, il a commencé à neiger. Et je me rappellerai toujours qu'avec ma copine, on était dans les villages, on se baladait, c'était formidable, il y a de la neige, on va bien rigoler et tout. Et il n'y avait personne dans les rues. Mais parce que les gens, ils n'avaient jamais vu la neige. Hein. Ils ne savaient pas ce que c'était et ils n'osaient pas sortir. Et après, bon, il commence à pleuvoir, il y a des inondations pratiquement tous les ans ou tous les deux ans. J'ai un cousin qui a construit sa maison pas loin de là où j'étais et qui a été inondé trois fois en cinq ans. Mais vraiment bien inondé, je veux dire, des mètres. Alors qu'avant, moi, j'habitais là, il n'y avait pas d'eau, c'était vraiment rien. C'est juste un orage qui amenait de l'eau, puis il est... Alors, ça se passe en France, hein. Alors, il serait temps qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose à faire maintenant, et pas attendre qu'il soit trop tard. Oui. Je voudrais juste rebondir sur... en fait, j'étais avec des scientifiques. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait un voyage en Israël. Et sur le plateau de Golan, on était en 92, ça se voyait avec nos yeux, peut-être scientifique, mais bon, c'était scientifiquement prouvé que oui, il y a presque déjà plus d'eau quand les rivières rentrent sur le territoire. Et après, bon, on imagine, mais c'est hélas la réalité, que certains terrains, non, Voilà, je vous laisse. Je n'ai pas été depuis, hein, mais je l'ai vu de mes yeux. La politique de l'eau. Voilà. Aux Pays-Bas, d'ailleurs, c'est des sortes de barons. C'est un ancien système, quand même, qui gère l'eau à petite échelle. Voilà, qui gère les niveaux d'eau. C'est politique, un peu. Tu voulais... Comment ? À ma vie, la première fois, j'ai touché le micro. Vas-y. Non, on m'a rien ajouté. Parce que entre India et Pakistan, entre Inde et Pakistan, la guerre pour de l'eau à Cachemire, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? De l'eau. Entre Pakistan et India. La guerre pour de l'eau à Cachemire, du fruit. C'est sûr. Bombe tombe. Donc entre l'Inde et le Pakistan. Oui, je vais un peu improviser ce que je dis, mais l'eau, ça me semble très, très important parce que d'une part, c'est qui est source de vie. Je pense que c'est dans le milieu aquatique qu'on a la plus grande diversité de vie, et puis c'est là que qu'est apparue la vie. Que c'est grâce à l'eau qu'on peut irriguer, qu'on peut irriguer, donc qu'on peut développer qu'on peut développer l'agriculture. Que toutes les grandes civilisations elles se sont construites sur des cours d'eau. Même si on regarde New York, Paris, Londres, Rome, tant de villes, c'est extrêmement important. Ensuite, je dirais que, en même temps, l'eau, c'est aussi une source, ça peut être une source de mort. Notamment à tous les ans, les catastrophes qui sont liées aux coulées de boue. Et il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a quelques années, je ne sais plus si c'était en 2005, 2006, enfin il y a bientôt 10 ans, le tsunami qu'il y a eu dans l'océan Indien, qui a tué des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et je pense qu'en fait l'eau, quelque chose qui devrait être extrêmement importante, qui devrait être faire partie de l'éducation, de l'imaginaire de chacun. Mais le problème qu'on a, et notamment en Occident, enfin dans nos sociétés industrialisées, le rapport qu'on a à l'eau, il est il me semble complètement hors sol. On a un rapport totalement étrange à l'eau qui me semble pas à la mesure de l'importance de ce qu'est l'eau. C'est-à-dire que l'eau, c'est le truc, tu veux boire un peu d'eau, t'ouvres ton robinet, tu te sers un verre d'eau, tu bois. Tu veux te prendre une petite douche, voilà, tu prends ta douche, tu te prends ton bain. Et l'eau, en fait, c'est juste une sorte de commodité. Et quand c'est juste quelque chose qui dérange, quoi. Comme par exemple, là, on va dire, il pleut, ah, on aurait bien aimé qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas de pluie. Et donc, l'eau, c'est vu comme quelque chose. On a un rapport à l'eau qui me semble mauvais. Autre chose que je voudrais dire, c'est que le problème de l'eau, dont on n'a peut-être pas parlé, c'est la question de la pollution. On a un vrai problème de la pollution. Alors en France, parce que voilà, je pourrais parler de l'Afrique avec la désertification et puis ce qui se passe au niveau du lac Tchad qui est en train de quasiment de disparaître. Je pourrais parler du delta du Niger où à cause de l'exploitation pétrolière par Shell, BP et compagnie, et bien en fait les plus merveilleuses, les plus riches, qui a été totalement détruite. Et où on a des populations qui ont été obligées de prendre les armes pour à un moment donné défendre cette zone. Je pourrais parler d'un pays que je connais, c'est le Ghana, qui a quasiment tous ses cours d'eau qui sont pollués par l'orpaillage. Et ça aussi, je parle du Ghana, mais peut-être que c'est quelque chose qui se passe aussi en Guyane, c'est-à-dire que l'orpaillage détruit totalement les cours d'eau. Après, mais peut-être que quelqu'un pourra après rebondir et nous parler un petit peu plus sur la pollution en France de nos cours d'eau, de nos terres, cours d'eau, rivières et autres. Et j'ai cru comprendre que le MEDEF voulait faire passer certaines lois ou autres. J'avais vu ça sur Internet qui visaient à réduire les contre-maîtres, voilà, l'agriculture intensive, de détruire encore un peu plus les cours d'eau. Voilà, merci. Je tourne pas autour du pot. Donc, oui, on parle bien du même sujet. Voilà. Alors après, c'est quand même d'enjeu du quinoa et d'être à ce que... J'aime beaucoup le quinoa. Et d'apprendre, en mangeant du quinoa, par une Chilienne, réfugiée, mais qui retournait le lendemain en Chili, parce qu'il y a un problème, on cultive tellement de quinoa maintenant au Chili. Ils ont des problèmes d'eau. Ben après, c'est une question d'échelle, je pense. De petite échelle, de grande échelle. Le verre d'eau, la mer, oui, c'est une question d'échelle. Oui, est-ce que d'autres personnes souhaitent des remarques, questions? Oui, il y avait Boris et puis... N'hésitez pas, en fait, un signe et... Ouais. Attends, je vais me dire, voilà. Bon, en fait, moi, j'ai des règles simples. Pour moi, l'eau, ça devrait être un bien commun et un bien non payant, c'est-à-dire non marchand. Et oui, ça doit être un bien non marchand. Donc, en fait, pour moi, déjà, si on met cette base-là, déjà, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir régler au niveau guerre même, je veux dire... Aussi, aujourd'hui, on sait qu'il y a des guerres pour le pétrole, mais on sait très bien qu'aussi pour l'eau, il y a des guerres qui sont dans le monde, pour juste de la flotte. Donc en fait, ça serait bien qu'on là-dessus, que les politiques fassent enfin des vraies choses. C'est-à-dire que tout le monde ait accès à l'eau, puisque c'est un bien qu'on a besoin tout le monde, et je trouve que c'est pas normal que des gens n'ont pas de l'eau potable chez eux. Que ça soit gratuit et en libre service. Et après aussi qu'on fasse une grosse réflexion sur, par exemple, le problème de l'agriculture avec l'eau. Qu'on réfléchisse sur un autre mode de production qui pompe moins de flotte, moins de nappes phréatiques, qui pollue moins, pour que de l'eau, dans 10 ans, puisse encore boire de l'eau et pas qu'on ait des eaux avec plein. Voilà, mon point de vue là-dessus. Est-ce que tu souhaites réagir ou je continue à faire circuler Alors, tout à l'heure, on a eu le camarade qui nous parlait du rapport à l'eau. Je pense qu'effectivement, c'est une très bonne façon... C'est-à-dire que justement, si on regarde pourquoi est-ce qu'on se dit c'est nul, aujourd'hui il pleut, bah c'est parce qu'effectivement cette pluie ici à Paris, elle sert à rien. Alors que si vous êtes dans une forêt, même juste dans un parc, là tout de suite, vous commencez à vous dire bah non, elle sert pas à rien, parce que c'est clair que la pluie, elle est entre cet espace naturel et qu'elle permet aux plantes de pousser. Mais aujourd'hui, la pluie qu'on a là, ça c'est une pure perte. Elle passe dans le béton, elle finit dans le métro, elle va pas nourrir aucune plante, à part un petit peu les arbres qui sont là, mais c'est quand même pas du tout la même chose. Et je pense que du coup, par rapport à ce que disait Bovant, pardon ? Elle va aller dans notre chasse d'eau. Ou dans notre chasse d'eau peut-être, ouais, voilà, dans les égouts, etc. On va la recycler, on va la nettoyer. Mais donc il n'y a pas cette idée vraiment du... Justement, on connaît tous un petit peu le cycle de l'eau, et pourtant, le cycle de l'eau, il se perd dans un espace urbanisé. Il est valable sur toi, le cycle de l'eau. Et ce que disait... Il y avait aussi ce que disait Boris sur le fait qu'il faudrait qu'on ait tous accès à l'eau parce que c'est un bien commun. Ah, non, c'est bon. Ah, j'ai appuyé dessus, ok. Non, je pense qu'il y a une question plus profonde que ça, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que universellement on doit tous avoir de l'eau. Dans le sens où si moi je décide d'aller vivre dans le désert, bah c'est à moi de me démerder pour avoir mon eau. Je dois pas demander à ce qu'on vienne me balancer mon eau. Et quand je vois ce que font les Américains avec détourner leurs fleuves, à creuser des canaux et à détruire les écosystèmes qui sont en aval, qui justement vivaient grâce à ce fleuve, bah non, je suis désolé, je suis pas sûr que ça vaille le coup que d'approvisionner une ville au milieu du désert en eau si c'est thème qui était en aval du fleuve. Donc je pense que la question est vraiment à attaquer, c'est une bonne idée de l'attaquer par le rapport à l'eau et à la nature en fait. C'est à quoi sert l'eau? On a besoin d'eau pour survivre, donc il faut de l'eau potable, il faut une bonne gestion de l'eau par accès pour tous, mais il faut aussi bien mesurer le coût que ça va avoir, et je parle d'un coût naturel là, d'approvisionner en eau un endroit. Où est-ce qu'on va aller chercher cette eau? Elle est probablement déjà utilisée par quelque chose d'autre. Ce qui reprend vraiment la question entre eau et migration, parce que du coup ce serait le déplacement plutôt des personnes vers des endroits où il y a de l'eau, mais du coup un nouveau rapport de force sur les territoires du coup. Enfin, tu veux réagir par rapport à ça, puis après je donne à... Non, je sais très bien. Je pense que c'est une vraie réflexion. Si c'est pas apporté par moi, c'est par quelqu'un d'autre. Mais par rapport aux migrations... Bon, donc les migrants sont à la porte de la chapelle. Ça se passe très bien dans le camp. Vraie garantie. J'étais hier avec quelqu'un de l'UNESCO. Bon, c'est pas grave, c'est naturel, on va dire. Bon, voilà. Voilà, bon, on parle de l'eau et la relation avec les migrants. Alors donc, ces mêmes migrants, faut dire que je donne des cours de français, donc hein, on a un rapport au groupe et aux individus aussi. En fait, ce qu'ils souhaitent, bain et des douches et d'aller aux toilettes. Mais ça, il n'y a pas trop en France. Il n'y a pas trop, surtout sur la porte de la chapelle. Donc c'est quand même... Bon, c'est un autre sujet, hein, parce que c'est lié à l'hygiène et tout. Voilà, qu'est-ce du fait qu'un migrant, est-ce qu'il peut se laver une fois par semaine ou pas du tout? Est-ce qu'il peut aller aux toilettes? Bon, ne répondez pas à la question, elle est un peu bête, mais elle est posée. Hein, parce que ce sont des petits problèmes d'urgence qu'on peut, à mon avis, avec des cabines mobiles, etc., ça coûte pas très cher. Voilà. Donc, c'est un autre aspect, hein, mais je reviens à ce que je fais par rapport à, avec les migrants. Et puis, j'en profite, parce qu'on en avait parlé un petit peu, pour vous dire, avant que tout se disperse, et c'est tant mieux, que j'ai des petits dépliants. Donc, si vous voulez, tout à l'heure, avoir un dépliant pour voir ce que Utopia 56 fait, hein, sur le terrain. On en a parlé, tu m'as dit que... Donc, reprenons le fil de l'histoire. Oui, il y avait le monsieur là-bas, et puis après, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et puis juste, ça me fait penser qu'il y a aussi de l'eau polluée de façon radioactive. Je sais pas combien. Et il y a un type qui a montré que les plantes qui dépolluent le mieux, parce que les plantes dépolluent, hein, elles pompent dans l'eau et puis elles font leur petit business, et ce qui ressort comme eau est moins pollué. Et c'est les plantes de cannabis qui décontaminent la pollution radioactive. C'est du cannabis. Et plantons des arbres. À Paris, c'est peut-être plus compliqué. Voilà, c'est tout. Alors, moi, je tiens à dire que je suis pas de Paris, je suis corse, moi. Et en Corse, on a une histoire qui fait que pendant des décennies, pour fuir la pauvreté, les Corses sont partis en France, beaucoup à Paris. D'ailleurs, il y a le quai de la Corse là-bas, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Donc, évidemment, la migration et l'immigration sont des choses qui sont faites, on le sait très bien, qui ne sont pas faites malgré de la personne. C'est quelque chose qui les pousse à partir. Et quand je vois, par exemple... Je prends l'exemple toujours de ce que je connais, donc je prends l'exemple de la Corse, qui est une île qui est extrêmement riche en eau, et contrairement à sa voisine la Sardaigne, qui elle est très aride. Des années, c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 50-60 ans, en Corse, les Sardes venaient en Corse pour essayer de trouver du travail, et qu'est-ce que c'était l'insulte la plus courante, pardon, qu'est-ce que c'était l'insulte la plus courante à l'époque, c'était sale Sarde. Donc aujourd'hui on a des gens qui viennent d'autres pays, qui sont touchés par la guerre, par la misère, et également par ce qu'on appelle tout ce qui est écologique. Donc les migrants qui partent à cause des changements climatiques. Les migrants climatiques. Et effectivement, je pense que c'est important, et je pense également que si ces gens-là, la première chose qu'ils veulent faire, par exemple, enfin la première chose, une des choses qu'ils aimeraient faire, c'est prendre une douche, voire prendre un bain, c'est également parce que, hormis dans certaines sociétés qui fonctionnent, qui ont leur mode de fonctionnement ainsi, je vis dans une société dite occidentalisée ou du moins société, j'aime pas ce terme, hein, société moderne, on va dire, où on est dans la consommation. Société de consommation, c'est plutôt un terme correct. Dans la société de consommation, la première chose, je pense, qu'on aimerait récupérer quand on a commencé, c'est la propreté. Parce que quand on a traversé une mer, moi je vois, comme je vous disais, en Corse, c'est la mer Méditerranée, donc tous ces gens qui partent d'Afrique du Nord, d'Afrique pour venir en France, ou ceux qui traversent la moitié de l'Europe pour venir dans des pays, retrouver une nouvelle vie en France, oui. Mais forcément, je pense que quand on n'a pas, quand on a dû se priver à cause de la guerre et à cause de la transition, quand on a marché, quand on a voyagé tout ce temps, la première chose qu'on voudrait, c'est, prendre une douche. Je pense que naturellement, nous, par exemple, Occide, sans aucun terme péjoratif, je dis ça, hein, dans un terme géographique simplement, dans notre société de consommation, ben, quand on a une dure journée et qu'on est crevé, le réflexe qu'on a généralement, si on se dit oh, je vais me prendre un bon bain ou je vais me prendre une bonne douche, et puis après ça repart. Donc forcément, je pense que ça passe également à des choses qu'on peut trouver anecdotiques. Donc parce qu'effectivement, une douche, un bain, on peut trouver ça anecdotique, on peut se dire bon, il y a quand même plus rapide, mais ce sont des petits détails, je pense, qui font qu'aujourd'hui, Ces gens-là ont besoin de revenir à une vie normale. Et quand on a traversé, qu'on a quitté la misère, je prends l'exemple de ce dont on parle le plus, les migrants qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent de Syrie, ou qui viennent même de, plutôt de Syrie, même de partout, hein, je dirais. Mais ces gens-là qui ont connu la guerre, qui ont connu des bombes, nous, on voit nos réactions à juste titre quand il y a un attentat, on est touché dans notre chair, on est tous plus ou moins anxieux. Ces gens-là qui se prennent des bombes à longueur de journée, il faut aussi réapprendre aussi à faire confiance et réapprendre à vivre normalement, parce qu'on peut pas, une vie normale c'est pas une vie où on a peur qu'il y ait une bombe qui nous tombe, que quelqu'un balance du gaz sarin, qui que ce soit qui l'ait lancé d'ailleurs, c'est inhumain. Donc après, à partir de ce moment là moi je pense que c'est aussi à nous peut-être pas d'intervenir, parce que c'est un peu Robespierre disait, avec tout ce qu'on peut lui critiquer, les gens n'aiment pas les missionnaires armés. Et effectivement, je pense que quand on va dans un pays avec des bombes pour apporter la démocratie, ça marche jamais. On a vu ça en Irak, on a vu ça en Libye, ça n'a pas marché. Donc, mais nous, en tant que pays civilisé, j'aime pas ce terme, excusez-moi, en pays aisé, je pense plutôt, voilà, ça n'a rien à voir. En tant que pays aisé, on a notre devoir d'accueillir une misère qui, indirectement, on a nous-mêmes causé. Pas nous, badauds lambda, mais plutôt les États occidentaux successifs qui ont fait n'importe quoi dans des... le colonialisme, en tout cas le néocolonialisme, ça a détruit des vies entières, et on l'a vu du coup dans ces coins-là. Et notamment, l'eau, encore une fois, dans ces régions-là, est une denrée rare. Donc forcément, il faut aussi... Je pense que ces gens-là n'ont pas choisi d'être au lendemain comme ça, puisque... On le voit à cause des morts, à cause des migrations, la vie normale n'est plus normale. Et je pense que, comme je reviens au même sujet, c'est qu'effectivement, prendre une douche, mine de rien, c'est comment vivre normal. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à ces gens-là, sans les prendre de haut ou sans les mépriser du tout. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites réagir à ce qui a été dit avant que je passe la parole à quelqu'un d'autre ? Que la prochaine fois, j'essaierai de venir quand il pleut pas, pour qu'on repeigne par terre, parce que c'est éphémère et très beau. Voilà, non, j'ai rien à rajouter. D'accord. Donc, Bruno. Alors, deux petits points. Alors, pour revenir très rapidement, là, a été parlé de la consommation d'eau. Sur le thème de l'eau, il y a un grand on nous a beaucoup parlé du problème qu'on gaspillait de l'eau en France, qu'il fallait qu'on arrête de gaspiller de l'eau, fallait qu'on fasse des efforts. Et un grand sujet qui n'a jamais été abordé par les médias, c'est la consommation. Pour ordre de grandeur, le chiffre n'est pas très exact parce que je ne m'en souviens plus très bien, mais c'est pour donner l'ordre de grandeur. Pour fabriquer une tonne d'acier, il faut 10 tonnes d'eau. Et là, l'eau à cette eau-là, après, elle n'est plus consommable. Hein. Il faut un traitement lourd pour la rendre disponible. Et l'autre point que je voulais aborder, quelqu'un tout à l'heure a parlé de la dépollution radioactive, entre autres par le cannabis. Bon. C'est vrai que le cannabis est efficace dans ce sens. Cependant, il y a beaucoup mieux. Il y a les champignons qui peuvent être utilisés pour dépolluer les sols. C'est des vraies bêtes de guerre dans ce sens. Ils se développent très rapidement. C'est sur place, il y a juste à récolter d'une année sur l'autre. On peut éliminer progressivement la radioactivité. Il y a les arbres, il y a les fougères. Et pour l'eau, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. On a quelques plantes qui sont utilisables, mais qui posent de gros problèmes. Parce que la plupart, en fait, sont des pestes végétales qui, une fois implantées dans un environnement qui est naturel, vont se développer de manière excessive et tout ravager sur leur passage, ce qui nécessite des contrôles très sévères. Cependant, pour dépolluer les sols, des surfaces aquatiques, enfin pour l'eau douce uniquement, qui sont polluées en radionucléaires aquatiques, on peut utiliser des lentilles d'eau, on peut utiliser les saules, les peupliers, et ça fonctionne. Accessoirement, à Tchernobyl et à Fukushima, il y a des expérimentations en cours pour la dépollution des sols avec, et de l'eau avec le tournesol. Voilà. Merci beaucoup. Oui, monsieur, tu me fais un signe, hein, si tu veux réagir. Je voudrais juste dire, les pays dont vous venez de parler pourraient produire du vin, quoi. C'est quand même... Voilà, mais comment ? On peut se laver aussi avec ce vin. Oh, si on veut, mais j'aime pas bien, c'est la vache, quoi. Bon, mais il faut dire du vin, moi. Quand on était un peu comme vous, je me souviens du slogan, tous bourrés dès 10 heures, soutien aux viticulteurs. Voilà, c'était clair, quoi. Un devoir civique. Oui, c'est aussi soutien à nos camarades viticulteurs. Quoi. C'est ça que je vois pas encore. Quant aux douches, bon, il y a des vicieux qui aiment ça. Je suis pas pratiquant, ni croyant, ni pratiquant de ces trucs-là, quoi. Voilà. peut-être que vous décalez un petit peu par là, c'est pour l'Arsen. Oui, alors pour la douche, je sais qu'il y a des systèmes en circuit fermé qui permettent, de laisser couler l'eau pendant une demi-heure, elle tourne en boucle pendant une demi-heure quoi, dans le même circuit, donc ça peut économiser. Je voulais parler aussi des toilettes sèches quand c'est possible. Parce que bon, les toilettes à chasse d'eau, à mon avis, c'est... Bon, c'est sûr que c'est pratique, quoi. On fait ce qu'on a à faire et puis on tire la chasse, on s'en occupe plus. Mais bon, après coup, je pense qu'il va y avoir, il va être bien, bien cocasse, quoi. Parce que non seulement ce qu'on mange, ça vient de la terre, et ce qui fait que normalement, c'est censé retourner à la terre. Et là, du coup, ça va dans l'eau et on ne sait pas. Après, c'est, je sais pas exactement. Bon, donc voilà. Après, c'est une matière première qu'on peut récupérer à travers les toilettes sèches et on fait un tas de compost et voilà, je pense que ça responsabilise vachement. Moi, je sais que j'ai la possibilité de le faire, donc je le fais, mais qui est justement une approche pour ceux qui ont la possibilité de le faire, que ça soit plus mis en avant, quoi, même par de tout bord, quoi, que ça soit plus mis en avant, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Non, je voulais quand même rebondir parce que bon, je ne suis pas tout à fait d'origine française, donc le vin, ça me fait rire. Moi, je préfère la bière. Mais quand vous commencez à parler de nucléaire, ça m'énerve. Parce que dans ce cas-là, on peut revenir aussi qui fait tourner l'eau. Non, il se trouve que j'ai dessiné les machines à monter l'eau dans le parc de la Villette. Donc, c'est une autre piste. Bon, on ne va pas tout mélanger, le nucléaire, ok, oui, peut-être on peut même vivre sans le nucléaire. C'est un autre sujet, je pense. Bonjour à tous. Je prenais juste la parole pour vous conseiller un petit reportage, un petit documentaire YouTube que j'ai découvert ce week-end. Le mec est un YouTuber qui est en train de monter et son thème c'est « Et tout le monde s'en fout ». Et il a fait un thème, il a fait une petite vidéo sur l'eau où il explique concrètement comment on maltraite l'eau potable à travers le monde. Et on l'utilise pour des conneries. Et il va jusqu'à même dire que beaucoup d'humains et même d'animaux manquent d'eau potable dans le monde et que nous on se permet de chier dedans. Et du coup, j'ai trouvé cette vraiment forte en termes de percussion mentale où ça fait vraiment réagir beaucoup de gens sur ce problème qui va pour moi en tout cas déclencher des guerres dans pas longtemps tellement c'est précieux, tellement c'est vital et du coup pour rendre amis des vignobles on pourrait peut-être dessiner à faute de pouvoir marquer avec de l'eau, on peut dessiner avec du vin sur le sol et du coup ça marquerait quand même. En effet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent peut-être réagir ? J'avais une question, je ne sais pas si tu pourras répondre, c'est justement par rapport à toutes ces questions d'eau, quelles sont les solutions peut-être proposées aussi par Utopia ou par d'autres ? Est-ce que ça passe, parce qu'on entend souvent des solutions scientifiques pour dessaliser, je crois, l'eau de mer, enfin, beaucoup de choses comme ça, ou est-ce que ça passe d'abord par, ça peut être les deux, par une responsabilisation des personnes, est-ce qu'il faut vraiment que les politiques s'engagent dedans, enfin quels sont les moyens justement pour parer encore plus violente pour l'eau et est-ce que c'est localisé ou est-ce que finalement ça concerne tout de suite tout le monde quoi. Alors tout d'abord je ne sais pas tout, ouf, voilà, ouf. Alors Utopia 56 travaille dans un camp humanitaire. Donc le fait que je donne des cours de français, c'est déjà hors cadre, parce que dans un camp humanitaire, on fait de l'humanitaire. Et heureusement, il y a de l'eau sur place, dans le camp. Voilà, ça juste gelé très très froid. Bon, c'était une ou deux journées, c'est pas ça qui est important. Je pense que par rapport à la loi, il y a un boulot à faire énorme sur les mineurs. Donc écoutez, c'est pas le sujet, hein, mais elle me tend une perche. Pour les mineurs, par rapport à la loi, il y a un boulot énormément à faire. Hein. Bien sûr, on sait que les politiques... Enfin, je ne vais pas que critiquer les politiques, parce que j'essaye d'être constructif. Alors, pour rebondir concrètement, dessiner et se faire passer des dessins avec des petits croquis, avec des choses bricolées, repensées. Voilà, je connais pas ton nom, mais moi, je vais prendre ces coordonnées et puis voir si je peux pas faire pas ici, parce que, oui, ici, l'eau est canalisée. Mais ailleurs, oui, je pense qu'il faut trouver des petites solutions. Et puis, les migrants en soi, ils connaissent très bien, hein. Ils peuvent nous apprendre à construire des petites machines. Là, en fait, eux, ils ont tous un portable. Et puis, on donne des cours dans les portables. Enfin, c'est fou. Mais c'est pas le sujet. Ça parle pas de l'eau en relation avec les migrants. Voilà. Donc, le camp humanitaire, pour moi, c'est un modèle. Hein. Enfin, j'aime pas d'ailleurs le mot modèle, mais je trouve que c'est vraiment très bien ce qui s'y passe. Ça suffit pas. La relation avec l'eau, oui, les migrants m'en parlent quand je leur pose la question. L'urgence, c'est où je trouve mes papiers, comment je peux me connecter, est-ce que je peux... Enfin, c'est des choses humanitaires, quoi. Voilà. Donc, le fait que je fais du bénévolat dans le camp, ça n'a rien à voir avec le sujet, puisque j'étais venue ici en novembre, et en novembre, ben, le camp était à peine ouvert. Hein? Donc c'est vraiment le thème, la relation presque scientifique, mais aussi poétique. Donc je ne dis pas politique. Hein? Donc oui, regardez les chiffres, regardez ce que dit la loi. Voilà, voilà les solutions et les petites solutions dont vous avez parlé. Oui. Oui, je voulais dire... plusieurs choses, me fait revenir un peu sur la guerre de l'eau. Je sais que par exemple entre les États-Unis et le Canada, il y a des grands lacs. Hein. Les États-Unis piquent l'eau des grands lacs parce qu'ils ont stérilisé l'air. Hein. Et évidemment, les Canadiens ne sont pas d'accord. Mais comme ils dépendent économiquement des États-Unis, donc ils peuvent rien dire. Et plus près de nous, il y a les Bretons qui ont complètement pollué les déchets des cochons. Il n'y a qu'à voir les algues vertes chaque année qui sont là par dizaines de tonnes qu'il faut dégager. Et les Bretons qui faisaient de l'agriculture biologique, par exemple, ils sont obligés de partir aussi dans notre pays. Mais c'est plus possible, tellement le sol de la Bretagne est imbibé de polluants, d'engrais, d'algues, etc. Et puis une dernière chose, c'est le côté symbolique. Moi, j'essaie toujours de comprendre comment ça se fait qu'un